fallait que je m'explore pour toucher le fond. Combien de fois je provoquais la faim. Alors un soir là des mythos et des kleptos, j'ai enfumé mon studio pour trouver un peu d'air. Et à force d'errer dans mes pensées, j'ai fini aérienne. Je surplombais l'humanité en 7 juin la plus grande des reines. Le matin à la fac j'étais savante et prophétesse. J'étais souriante parce qu'irradiante ouvrant l'horizon funeste. En 24 heures le plein d'énergie implose. Place à la folie, la démence, l'euphorie et la psychose. Les trois jours suivants restent un puzzle éclaté. Dès qu'une pièce du cauchemar remonte, ça me fout la nausée. Impudique et bruyante, insomniaque et violente. 45 kilos, mini cache ton tarte qui m'assomme. Un flot constant de propos incohérents détonne. Et à ce stade de ma crise, sirène de l'ambulance résonne. L'espoir fait vivre, c'est le créneau des grands maladies incurables. Toi va leur dire que c'est débile. L'espoir fait vivre, même en réclusion criminelle et en HP, certains l'ont bien compris. L'espoir fait vivre, c'est le refrain des rescapés de l'enfer. Le moteur à toutes nos envies. L'espoir fait vivre, y'a pas de galère insurmontable. Tourne plus à vide, donne un sens à ta vie. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi une si petite fenêtre et des barreaux? Qu'ai-je fait? Pieds et poings liés à ce lit en inox. Qu'ai-je fait? Ma fesse droite endolorie par des piqûres. Qu'ai-je fait? Réflexe humain, je hurle à plein poumon. Cri perçant, angoissé, à fendre le ciel. Le sadique qui m'a habillé à court dans ma cellule. Eh, tu vas te calmer ma jolie, sinon c'est la piqûre. Quand il me détache, pisse allègrement sur ses chaussures. Torque à péter un casque, les oreilles à l'usure. C'est pas cloîtré que je trouverai la belle. Mais c'est qu'on croit le contraire. Laisse moisir une semelle. Quand je sors de là, je me frotte à d'autres fous. Des désœuvrés, des vices la agités, du bocal ou légumes mous. J'avais aussi frôlé l'overdose en cellule. Tertian, Rivotril, Solian, en route ou en gélule. L'espoir fait vivre, c'est le créneau des grands maladies incurables. Toi va leur dire que c'est débile. L'espoir fait vivre, même en réclusion criminelle et en HP, certains l'ont bien compris. L'espoir fait vivre, c'est le refrain des rescapés de l'enfer. Et le moteur à toutes nos envies. L'espoir fait vivre, y'a pas de galère insurmontable. Tourne plus à vide, donne un sens à ta vie. La psychiatrie, t'y rentres possédé. T'en ressors au bout de 2 mois inhabité. La meurtrie, le corps abîmé. Le sentiment que tu remontes sur terre. T'as trouvé de la noirceur de ses habits. Mais moi, je pue la culpabilité d'être ce que je suis, d'avoir fait ce que j'avais fait. La fée est devenue folle. J'entends déjà, elle l'a dit, la fée en rafale. Et ses têtes de con qui en raffolent. J'ai pas tout de suite trouvé la force d'assumer ça. Se suicider, c'est plus facile quand la dépression forme un cul de sac. Cette douleur atroce, je la souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'est inhumain, insoutenable et quasi satanique. Mais à force d'antidépresseurs et surtout de prières, j'ai pu mettre à zéro le compteur. Plus j'avance, moins je regarde en arrière. Handicapé sur papier, je reste autonome. Et en temps normal, personne se doute de mon psychisme hors norme. L'espoir fait vivre, c'est le créneau des grands maladies incurables. Toi va leur dire que c'est débile. L'espoir fait vivre, même en réclusion criminelle et en HP, certains l'ont bien compris. L'espoir fait vivre, c'est le refrain des rescapés de l'enfer. Le moteur à toutes nos envies. L'espoir fait vivre, y'a pas de galère insurmontable. Tourne plus à vide, donne un sens à ta vie. L'espoir fait vivre, c'est le créneau des grands maladies incurables. Toi va leur dire que c'est débile. L'espoir fait vivre, même en réclusion criminelle et en HP, certains l'ont bien compris. L'espoir fait vivre, c'est le refrain des rescapés de l'enfer. Le moteur à toutes nos envies. L'espoir fait vivre, y'a pas de galère insurmontable. Tourne plus à vide, donne un sens à ta vie. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre.